Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Jérusalem, histoire d'une ville millénaire, histoire d'une ville trois fois sainte pour les religions monothéistes, histoire d'une ville qui nous est racontée dans la Bible. Tiens, le livre des chroniques, Salomon commença alors la construction de la maison de Yahvé. C'était à Jérusalem, sur le mont Moria, là où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David. Oui, mais que dit l'archéologie et comment cette modeste bourgade est-elle devenue une ville sainte? Direction Jérusalem. Katel Berthelot, bonjour. Bonjour. Alors, pas de déterminisme géographique. Mais enfin, Jérusalem, ce n'est pas le site le plus affriolant. Si nous nous plaçons dans une lointaine antiquité, nous sommes loin des routes commerciales, nous sommes là où le relief est plutôt accidenté. Jérusalem, c'est un lieu un peu perdu, en fait. Tout à fait. Jérusalem est située sur des collines, une moyenne de 800 mètres d'altitude, et ne se trouve pas à proximité des principales routes commerciales du Levant, puisqu'en fait, la principale route qui connecte l'Égypte à la Mésopotamie passe le long de la côte, le long de la mer Méditerranée. Donc Jérusalem est une bourgade, effectivement, à l'origine un peu à l'écart. Et la raison pour laquelle des êtres humains ont décidé de s'installer là, c'est principalement la présence d'une source au pied d'un éperon rocheux, donc à la fois l'apport en eau nécessaire à la vie et l'éperon rocheux nécessaire à la sécurité qui permet voilà déjà d'être un petit peu en altitude et d'avoir voilà comme ça un environnement qui est déjà un petit peu protecteur, qui permet de ne pas être à la merci du moindre passant qui vous agresse. Et d'ailleurs, là, nous comprenons très bien l'utilité d'une source, une petite installation. Mais si nous jouons sur la chronologie, Katel Berthelot, alors là, nous sommes sur une occupation très ancienne. Ça fait toujours d'ailleurs rêver de se dire une occupation en continu depuis si longtemps. Oui, les premières traces, disons, d'une occupation significative et des premières murailles de Jérusalem, ça remonte environ au XVIIIe siècle avant notre ère, donc on est au bronze moyen. Et là, on a déjà une sorte de petite forteresse. Et c'est la période de la deuxième urbanisation en Canaan. Donc c'est un phénomène qui n'est pas isolé. Il y a d'autres villes qui connaissent une évolution similaire à cette époque-là. Et on a un système de cité-État. Alors quand on dit cité-État, c'est tout petit. Et c'est de plus en plus sous le contrôle de l'Égypte, la grande puissance du Sud. Mais Jérusalem va devenir l'une de ces petites cités-États régionales. Donc à partir du 19e, 18e, on a des sources à la fois donc archéologiques, découvertes de murailles et de fortifications également pour l'apport en eau, pour exploiter la source du Gihon avec la structure qu'on appelle le puits de Warren. Et puis par ailleurs, des figurines avec des textes d'exécration égyptiens, c'est-à-dire en fait des objets matériels avec des textes qui permettent, en les brisant, de briser la résistance justement des cités-états de Canaan face à la puissance égyptienne. Et l'Égypte, par ce rite magique, comme les Égyptiens affirment leur contrôle en fait sur ces cités-états cananéennes, dont Jérusalem, qui n'est toutefois pas appelée Jérusalem exactement. Le nom est contesté d'ailleurs par certains, mais bon, le consensus c'est quand même que il faut entendre derrière le mot Rouchalimoum, probablement à prononcer Rouchalimoum dans les textes égyptiens, la ville de qui deviendra plus tard Jérusalem. Et puis il y a d'autres cités-états, vous venez de nous le dire, et ça c'est passionnant parce que toujours dans cette réflexion comment Jérusalem est devenue ville sainte, déjà nous avons parlé de cette situation qui est un peu excentrée, nous sommes loin de la mer pour le dire autrement, et puis il y a de la concurrence. Oui, tout à fait. Il y a de la concurrence. Gezer, par exemple, beaucoup plus proche de la plaine côtière, mais aussi d'autres cités dans cette zone de colline centrale, du côté de Hébron, de la ville qui s'appelle aujourd'hui Hébron, et de Sichem au nord. Donc, on a effectivement plusieurs petites puissances comme ça locales dans cette zone qu'on appelle la zone des hautes terres, la zone des collines, qui correspondrait en fait à la Cisjordanie actuelle. C'est une aventure pour essayer de comprendre comment Jérusalem est devenue une ville sainte. Rien n'avait changé depuis des siècles dans ce coin de terre malgré une histoire agitée. La première à s'y installer il y a quelque 3500 ans, au temps des superstitions et des légendes, ce fut une tribu de bergers nomades. On disait que leur chef, Abraham, avait reçu des instructions divines. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une nation, et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. Les Juifs arrivèrent en Palestine et s'y fixèrent. Ils commencèrent à parcourir les rues étroites de Jérusalem, puis s'y installèrent, faisant du troc et du commerce, tissant eux-mêmes leurs vêtements et fabriquant leurs poteries. La terrible histoire du peuple juif ne faisait que commencer. Terrible histoire du peuple juif. Bon, c'est en 1971 sur l'ORTF qu'était traitée la naissance d'Israël, l'arrivée du peuple juif à Jérusalem. Qu'a-t-il Berthelot ? Là, nous avions un résumé de millénaire en quelques secondes. Évidemment, nous cherchons à réfléchir à la naissance de la ville sainte. Qui dit saint dit religion, aux origines de Jérusalem. Que savons-nous de la religion qui s'y pratiquait ? Mais en fait, presque rien. Effectivement, de la ville cananéenne, nous n'avons pas retrouvé de structure culturelle. Et donc, il est probable qu'on vénérait à Jérusalem le panthéon cananéen, hein, des dieux comme Baal, par exemple, dieu du tonnerre, de la foudre, des orages. Mais on n'a pas retrouvé de témoignages archéologiques. La Bible nous dit que Jérusalem était une ville cananéenne, et plus précisément une ville jébuséenne ou jébusite, un groupe dont on ne sait rien en dehors de la Bible. Et d'après le récit biblique, disons, majoritaire, parce qu'il y a quand même plusieurs versions aussi dans la Bible sur le rapport des Israélites avec Jérusalem, mais d'après le récit majoritaire du deuxième livre de Samuel, c'est le roi David qui s'empare de Jérusalem, qui jusque-là, en fait, était resté aux mains des Cananéens. Et c'est seulement avec son fils Salomon, nous dit la Bible, que sera érigé le grand temple qui deviendra ce temple célèbre, vanté déjà dans l'Antiquité, hein, que ce soit le premier ou le second. Le second sera en fait encore plus connu que le premier, celui de Salomon. Le second temple de Jérusalem, le premier temple de Jérusalem, mais avant même la construction de ces temples, il y a une histoire extrêmement longue de Jérusalem. Alors, nous utilisons ce mot Jérusalem pour simplifier, mais de cette cité, vous avez cité, qu'a-t-elle Berthelot, ce nom cananéen. Qui sont ces... Alors, qu'est-ce que ce pays de Canaan ? Alors, le pays de Canaan correspond plus ou moins à l'État d'Israël actuel, ou jusqu'au sud de la Phénicie, disons. Et c'est un territoire, donc, comme je l'ai dit, où on trouve des cités-États. Donc, chaque groupe a un peu son identité propre autour de sa cité. Et puis, on va voir émerger, à partir du 12e siècle avant notre ère, un ensemble de villages dans cette zone des Hautes-Terres, dans cette zone centrale des collines, dont on va après constater que, de par la continuité d'occupation, il s'agit bien de villages israélites. Alors, vous savez que dans la Bible, en fait, il est question d'Israël comme d'un peuple qui est descendu en Égypte, qui est sorti d'Égypte sous l'égide de Moïse, et puis qui, sous l'égide de Josué, conquiert la terre promise avec fracas et triomphe. Voilà. Bon. En réalité, c'est plus compliqué. Le texte biblique lui-même nous dit qu'en définitive, ils n'ont pas chassé tous les Cananéens et qu'ils ont fini par cohabiter avec eux. Et puis, l'archéologie arrivant là-dessus nous dit « Ah mais non, en fait, on a quand même vraiment très très peu de traces d'un tel exode massif d'une population hors d'Égypte. Et on n'a pas vraiment de corroboration des destructions racontées dans le livre de Josué. » Et finalement, certains archéologues pensent aujourd'hui que Israël, c'est un des peuples autochtones de Canaan, en réalité. Alors, peut-être semi-nomades, peut-être migrants cycliquement le long de la vallée du Jourdain et se réinstallant périodiquement dans ces hautes terres. Mais en tout cas, à partir du XIIe siècle avant, on va voir oui, une certaine continuité d'occupation de ces villages jusqu'à la période dite de la royauté, hein, de la royauté israélite, à partir du Xe siècle avant notre ère. Et donc, voilà, il y a cette émergence de cet Israël en Canaan, comme un groupe parmi d'autres, et dont nous avons l'attestation du nom Israël, grâce à une stèle du pharaon Merneptah à la fin du XIIIe siècle avant notre ère, qui nous dit qu'il a vaincu un certain nombre de groupes en Canaan, plusieurs cités, et un groupe humain nommé Israël. Donc en fait, on sait qu'il y a déjà un groupe humain nommé Israël en Canaan à la fin du XIIIe siècle avant notre ère. Et après, sur le plan de l'archéologie, on voit le développement de ces villages dans les Hautes-Terres, XIIe, XIe siècle avant notre ère. Et au moment de réfléchir à l'État, nous pensons tout de suite à la royauté. Et bien sûr, il y a David, il y a Salomon. Michael Langlois, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le cours de l'histoire. Michael Langlois, dites-nous, ces rois d'Israël. Bien sûr, ils sont cités dans la Bible. Qu'en savons-nous par rapport à l'archéologie ? Alors l'archéologie nous permet de confirmer l'existence d'un certain nombre de ces rois. Le plus célèbre d'entre eux, on en a parlé, c'est le roi David, puisque dans la tradition biblique, c'est lui qui conquiert la ville de Jérusalem et qui établit le siège de sa royauté. Et d'une certaine manière, c'est corroboré, alors assez indirectement, par une stèle, plusieurs peut-être, en tout cas au moins une, la stèle de Tel Dan, signale que le roi en place à Jérusalem, alors on est au 9e siècle avant notre ère, on est un petit peu plus loin, mais c'est un roi de la dynastie de David. Donc ça veut dire que David est connu, y compris par les voisins araméens, on est du côté de Damas, comme étant le fondateur d'une dynastie en place à Jérusalem. Et puis, dès qu'il est question de David, bien sûr, il y a cette lecture biblique, mais qui ne peut qu'en faire un grand roi. Michael Langlois, le regard porté par les historiens et les historiennes aujourd'hui sur David n'est pas là pour minimiser son action. Ça a été un grand roi sans doute, mais peut-être avec un rayonnement géographique moindre que ne laisse penser la Bible. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la distinction entre la description que l'on peut trouver dans la Bible. Moi, je sais pas, à l'époque du roi Salomon, le fils de David, on dit que à Jérusalem, l'argent et l'or étaient aussi courants que la pierre. Vous voyez, donc disons, on n'hésitait pas à tomber dans l'hyperbole. En réalité, quand on va sur place et qu'on fait les fouilles, on se rend compte que ce qui correspond à la cité de David, donc la Jérusalem de l'époque du roi David, n'est même pas celle que l'on voit aujourd'hui. Les belles murailles que les touristes admirent aujourd'hui, elles datent en réalité de beaucoup plus tard, de Soliman le Magnifique au 16e siècle de notre ère. À l'époque du roi David, c'est une petite ville un peu plus au sud, sur cet éperon rocheux dont parlait Cathel Berthelot tout à l'heure. Et ça fait quoi, moi je sais pas, ça fait une cinquantaine de mètres ou 80 mètres de large sur 200 mètres de long. Ça fait, on peut mettre quoi, quelques centaines, voilà, peut-être 2-3 000 habitants tout au plus. C'était ça en fait la Jérusalem à l'époque du roi David. Et à cette époque, au moment du roi David, il y a toujours cette rivalité avec d'autres cités un peu partout. C'est-à-dire que Jérusalem est-elle déjà la ville sainte que nous imaginons ? Je n'ai pas l'impression à vous écouter. Non, ben pas du tout. Et on signalait tout à l'heure les difficultés, y compris de transport. Jérusalem est située sur la crête de cette longue chaîne de montagnes qui court du nord au sud, le long du rift syro-africain. Et donc c'est une ville qui est difficile d'accès. Donc par exemple, vous évoquiez tout à l'heure le roi Salomon qui décide de bâtir le temple. Il faut qu'il se fournisse en bois. Eh bien, il achemine le bois par la mer depuis la Phénicie, donc le Liban actuel, jusqu'à Jaffa, qui correspond à la ville actuelle de Tel Aviv. Donc au bord de la mer, et de là, il faut transporter tout ce bois jusque dans la montagne. Et donc, on se rend compte que, y compris à l'époque du roi David et du roi Salomon, les grands centres urbains, commerciaux, portuaires, eh bien, c'est Jaffa, c'est Tyr, ce sont des villes comme celle-là, ça n'est pas la ville de Jérusalem. Nous sommes toujours dans l'enquête, comment Jérusalem est-elle devenue une ville sainte ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec les rois David et Salomon, il y a l'édification d'un temple. Mais une fois le peuple installé en Canaan, lorsque surtout une certaine unification des tribus permet d'avoir une capitale unique, Jérusalem, Dieu se plaint à David. « Est-ce que tu vas me bâtir une maison pour que j'y demeure ? C'est que je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël. Jusqu'à ce jour, je voyageais dans une tente et dans un abri. Ce ne sera pourtant point David, mais son fils Salomon, qui, sur l'aire d'Ornan, édifiera la maison de Yahvé, le temple de Jérusalem. Rien n'est resté visible de ce premier édifice. La vision d'Ézéchiel après la destruction du temple est une reconstitution idéale qui ne peut nous aider qu'imparfaitement. » Mais tout cela est imparfait, bien sûr. C'est le père d'Orme, un assyriologue, qui s'exprimait en 1951 lors d'une émission consacrée à Jérusalem, visite de Jérusalem, Cathel Berthelot, ce premier temple. Mais il n'en reste rien, c'est déjà dit là. Mais quel était ce temple ? C'était déjà faire de Jérusalem une ville-temple, une ville religieuse, ou simplement un temple comme cela se pratiquait dans plein d'autres sites ? Alors, si on parle du 10e siècle avant notre ère, la période supposée de la construction du premier temple, il est difficile de savoir si en réalité il y avait déjà un projet d'en faire le temple par excellence d'Israël. Dans ce sens que, en fait, on va avoir deux entités qui vont émerger, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Le royaume de Juda est en réalité plus petit et plus faible que le royaume d'Israël au nord, dont le temple va être à Samarie. Et donc, il y a déjà en fait une pluralité de temples de par l'existence de deux entités politiques et de deux États israélites, bien que seul l'un d'entre eux au nord s'appelle Israël et l'autre s'appelle Juda. Et puis, il y a aussi des sanctuaires ailleurs. C'est, en fait, dans plusieurs livres bibliques, on voit que pendant les premiers siècles de la royauté, il y a une pluralité de sanctuaires. Donc, il ne faudrait pas projeter rétrospectivement la centralité de Jérusalem, qui sera plutôt celle de l'époque perse, hellénistique et romaine, sur la période israélite ou la période royale. Ceci étant dit, on n'a pas effectivement de traces de ce premier temple à Jérusalem, mais d'après la description qui en est donnée dans le livre des Rois, dans la Bible, on peut faire des rapprochements avec des sanctuaires qu'on a retrouvés ailleurs au Proche-Orient, notamment en Syrie, et également une sorte de sanctuaire judéen qu'on a retrouvé à Tel Motsa, non loin de Jérusalem, qui date de la période royale, donc un autre sanctuaire en Juda pour le coup, et qui présente un peu une organisation similaire à celle que l'on trouve dans le livre biblique, à savoir une sorte de vestibule, le oulam, et puis une entrée avec deux colonnes, donc Yakir et Boaz dans la Bible, à travers lesquelles on pénètre vraiment à l'intérieur du sanctuaire proprement dit, le Echal, au fond duquel il y avait le Saint des Saints, où ne se trouvait pas une statue de la divinité, contrairement à ce qui se pratiquait dans les temples du reste du Proche-Orient ou des temples grecs et romains par la suite. Donc l'Arche d'Alliance, d'après les textes bibliques, contenant les tables de la loi révélées par Dieu à Moïse. Donc ça, c'est la description qui en est faite dans la Bible en ce qui concerne le premier temple. Il y a une filouterie de l'histoire, Michael Langlois, parce que le royaume d'Israël, donc au nord, n'a pas Jérusalem pour capitale. Jérusalem est la capitale du royaume de Juda au sud. C'est-à-dire que s'il y a deux royaumes, Israël et Juda, il y a rivalité. Est-ce que cette rivalité peut expliquer pourquoi Jérusalem devient peu à peu une ville sainte ? Alors, bien sûr, Jérusalem est une ville importante parce que c'est le siège de la royauté, c'est une capitale. Donc effectivement, le royaume de Juda n'est pas un royaume immense, évidemment, c'est quelques dizaines de kilomètres autour de Jérusalem, un petit peu plus vers le sud si on tient compte de la région du désert. Mais effectivement, et on sait, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait des sanctuaires dans tout un tas d'autres villes, y compris Tel Motsa, donc à quelques kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Mais effectivement, il paraît logique que à partir du moment où le centre de la royauté est à Jérusalem, que le temple de Jérusalem prédomine. Mais on sait très bien que déjà à l'époque, ça faisait polémique. C'est d'ailleurs, on en a le reflet dans la Bible, puisqu'on a des textes qui insistent sur la centralité de Jérusalem. Et si on ressent le besoin d'insister en disant « c'est à Jérusalem et nulle part ailleurs » qu'il faut faire ceci et cela, c'est bien la preuve que ça se faisait. Et effectivement, le royaume du Nord va très vite se doter également d'un sanctuaire à Samarie. On connaît ce nom parce qu'on a encore en tête les Samaritains. Vous connaissez la parabole du bon Samaritain ou le puits avec la Samaritaine. Enfin voilà. Donc effectivement, les Samaritains ont également un temple et de fait, il va y avoir une compétition, une concurrence entre ces deux temples. Est-ce que le fait que le royaume du sud, le royaume de Juda, eh bien, renforce son pouvoir en ayant l'Arche d'Alliance et en la plaçant dans sa capitale, Jérusalem, et explique ce cheminement, en fait, complexe de rivalité, qui est très intéressant, parce que nous voyons bien, dans un processus de légitimation par la religion, eh bien, il faut avoir le temple le plus précieux, quitte à gommer, en fait, le côté saint des autres sites. Alors bien sûr, l'emploi de reliques est extrêmement important et on le voit aujourd'hui encore dans l'histoire de France. On sait que le fait de se doter de reliques permet de légitimer son pouvoir, son autorité. Et on se doute bien que à l'époque, c'était déjà le cas. La question, c'est de savoir est-ce que l'Arche de l'Alliance a existé et si elle a existé, est-ce qu'elle était unique. Autrement dit, est-ce qu'il n'y en avait qu'une seule. Est-ce qu'elle était à Jérusalem. C'est très difficile à savoir puisque on en entend très peu parler, y compris dans la Bible. Les textes sont un petit peu abscons. Se contredisent parfois. On ne sait pas très bien ce qui se passe. Et à ce jour, on n'a pas de vestiges de l'Arche de l'Alliance. Il y a eu des fouilles qui ont été faites sur un site dont on pensait que peut-être il avait pu héberger l'Arche de l'Alliance, mais ça n'a rien donné. Donc, il vaut mieux se focaliser sur des vestiges, disons sur ce qu'on sait, et essayer d'exploiter au maximum les données à notre disposition et éviter de partir trop dans une spéculation qui n'aboutit probablement à rien. Et c'est un jeu, un va-et-vient sans cesse entre le texte et principalement la Bible et l'archéologie pour raconter cette histoire de Jérusalem. Sur les fleuves de Babylonie, nous étions assis et pleurions en nous souvenant de Sion. Sur les saules, nous suspendions nos harpes. Là, nos oppresseurs nous demandaient de chanter. Chantez-nous donc des chants de Sion. Mais comment chanterions-nous des chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite soit oubliée, que ma langue se colle à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas monter Jérusalem au sommet de ma joie. Ce psaume, nos ancêtres les Hébreux le récitaient en Babylonie où ils avaient été déportés. Il y a 25 siècles, en effet, le 9 Ab, le premier temple de Jérusalem était détruit et brûlé par les Babyloniens. C'est une histoire que nous connaissons. C'est une histoire qui est racontée dans la Bible avec des épisodes majeurs et notamment l'exil à Babylone, la destruction du temple. Qu'a-t-il Berthelot, au moment de la destruction du temple, Jérusalem est vidée de sa population, Jérusalem disparaît complètement ou Jérusalem reste une place encore remarquable? La destruction du premier temple s'accompagne d'une destruction partielle de la ville, qui n'est pas totale, mais néanmoins, c'est vraiment une transition majeure. En fait, c'est quand même un moment où la cité va perdre à la fois sa dimension royale et sa dimension cultuelle. Donc, elle perd à la fois son statut de ville royale et de ville-temple. Il faudrait peut-être revenir un petit peu en amont pour comprendre ce qui se joue à ce moment-là, parce que, en fait, le moment central pour l'émergence de Jérusalem comme ville sainte et comme ville temple, c'est peut-être plutôt justement la fin du 8e siècle et le début du 7e siècle avant, au moment d'une autre grande crise et d'une autre grande destruction, qui est la destruction de Samarie par les Assyriens et la disparition du royaume du Nord, du royaume d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'une partie des habitants du royaume du Nord va se réfugier dans le royaume de Juda, et même plus précisément à Jérusalem, puisqu'en fait, donc les Assyriens vont également attaquer le royaume de Juda, ils vont détruire Lachish, la deuxième ville la plus importante du royaume de Juda. On peut voir encore les bas-reliefs du palais de Ninive au British Museum, où on voit cette destruction de Lachish et l'exil des prisonniers israélites vers la Syrie. Et à ce moment-là, Jérusalem est assiégée en 701 avant notre ère et elle n'est pas prise. Alors, la Bible, évidemment, nous parle d'un miracle, d'une intervention divine. Dieu aurait répandu la peste dans le camp des Assyriens ou une maladie quelconque. Et puis, les annales assyriennes qui racontent également cet épisode disent que le roi judéen, Ézéchias, a versé un tribut à Sennachérib, le roi assyrien, et que donc ce tribut a permis de résoudre le siège sans la prise de la ville. Mais à ce moment-là, disons, l'idée que Dieu a protégé le sanctuaire de Jérusalem s'est certainement répandue dans la population, y compris vis-à-vis des réfugiés venus du Nord, et ça a certainement joué dans le prestige du sanctuaire de Jérusalem, et c'est peut-être là vraiment un moment de basculement, dans cette idée que c'est là qu'est véritablement la demeure du Dieu d'Israël. Alors évidemment, je reviens à l'épisode suivant, l'épisode de la destruction par l'Empire babylonien, et là, bien sûr, c'est le choc théologique majeur du 6e siècle avant notre ère, à savoir comment Dieu a-t-il permis la destruction de son temple. Et là, on va voir en fait émerger finalement le credo monothéiste, qui n'était jusque-là pas véritablement monothéiste. C'est un sujet complexe, la religion d'Israël dans ces siècles-là, mais c'est parce que il faut changer de modèle théologique ou théologico-historique pour comprendre ce qui arrive au royaume de Juda, que l'on va imaginer un Dieu qui finalement a tout sous son contrôle, non seulement qui n'est plus simplement le Dieu national d'Israël, Dieu national du royaume de Juda, mais un Dieu universel qui tient véritablement les destinées historiques de tous les peuples dans ses mains. Et finalement, va émerger l'explication du désastre comme châtiment pour les péchés d'Israël, hein, Dieu étant courroucé à cause de l'idolâtrie qui s'était développée dans le royaume. Il a détruit lui-même son temple et sa ville. L'enquête avance. Nous sommes partis de cette petite bourgade modeste et peu à peu, eh bien, nous sentons les éléments se construire pour faire d'Israël la ville sainte que nous connaissons. Mais nous sommes encore très loin de l'Israël d'aujourd'hui. Mais tout se construit peu à peu, tout comme le temple se reconstruit après la destruction. C'est Simon, fils d'Onias, le grand prêtre, qui pendant sa vie répara la maison, le bâtiment central du temple, et durant ses jours consolida le sanctuaire. C'est par lui que furent posées les fondations de la hauteur double, soubassement élevé de l'enceinte du temple. Durant ses jours fut creusé le réservoir des eaux, un bassin dont le périmètre était comme celui de la mer. Soucieux de préserver son peuple de la ruine, il fortifia la ville contre un siège. Daniel Königsberg, dans le cours de l'histoire, qui nous lit cet extrait, c'est de l'Ancien Testament, c'est ce moment où il y a une construction, un bassin dont le périmètre était grand comme celui de la mer. Michael Langlois, il y a de l'exagération, mais enfin bon, c'est le jeu du texte qui narre un événement. Vous êtes docteur en sciences historiques philologiques à l'École pratique des hautes études, c'est la Sorbonne, maître de conférence à l'Université de Strasbourg et chercheur associé au CNRS. Dites-nous, que connaissons-nous aujourd'hui avec le regard de l'archéologie, de l'archéologue, sur cette période? Parce que dans le texte que vient de lire Daniel Königsberg, il y a des éléments religieux, bien sûr, mais pas que. Il y a ce bassin des eaux, il y a une fortification, donc il doit bien rester quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, la reconstruction se fait de façon progressive. Et effectivement, dès la fin de la période de ce qu'on appelle de l'exil à Babylone, on est à l'époque perse, quand les Perses prennent le pouvoir à Babylone, ils autorisent les Judéens à revenir à Jérusalem et à rebâtir un sanctuaire. Et on a quelques traces, quelques vestiges de fortifications et de constructions monumentales de l'époque perse, 6e, 5e siècle avant notre ère. Ça reste, cela dit, très modeste. Et les prophètes de la Bible expliquent, ils discutent de cela, c'est-à-dire que d'abord on justifie effectivement la période d'exil à Babylone en disant que, comme le disait Cattel Berthelot tout à l'heure, Dieu était en colère contre son peuple qui ne respectait pas les sabbats d'années, et donc on a compté le nombre d'années de jachère qu'il aurait fallu respecter, et ensuite seulement on revient. Et quand on revient, eh bien alors on reconstruit un petit sanctuaire et tout le monde pleure. Alors il y en a qui pleurent de joie parce qu'on reconstruit un sanctuaire, et les vieillards qui se souvenaient du premier temple pleurent de tristesse parce qu'ils se souviennent de la grandeur du premier temple et qui est comparée à la modestie des nouvelles fortifications. Et il va falloir effectivement attendre plusieurs siècles, et notamment arriver à l'époque hellénistique, pour pouvoir avoir des travaux un peu plus d'ampleur au moment où la Judée va gagner en autonomie. Et en particulier à une période où une famille de prêtres va prendre un pouvoir qui va devenir politique. Puisque pendant toute cette période, la Judée n'est qu'une province. Et donc, elle n'a pas de roi. Il y a tantôt un gouverneur à l'époque perse. À l'époque hellénistique, il n'y a parfois même pas de gouverneur. Le grand prêtre est celui qui se tient devant, qui représente le peuple. En grec, on le dit qu'il est prostates. C'est-à-dire qu'il se tient, il représente finalement le peuple. Mais à un moment donné, une famille de prêtres va s'émanciper d'une certaine manière, gagner un peu ses aises, repousser les armées hellénistiques, et là va avoir une grande politique d'expansion, de conquête des villes avoisinantes, de destruction d'autres sanctuaires. On parlait tout à l'heure du mont Garizim, du sanctuaire des Samaritains. On va annexer la Samarie, on va détruire le sanctuaire du mont Garizim, et on va faire des constructions effectivement monumentales à Jérusalem. Et ces constructions, on les voit un peu mieux, elles sont mieux documentées que les phases antérieures. Oui, parce que de la royauté d'Israël à aujourd'hui, il y a toutes ces phases successives de domination. Nous avons évoqué la période babylonienne, c'est l'exil, et puis le retour au moment de la domination perse. Et puis, il y a la période hellénistique. Alors, les Grecs, ce sont les successeurs d'Alexandre le Grand, et puis il y a les Romains. Mais durant toute cette période, bien sûr, nous avons cette ville Jérusalem, Cattel Berthelot, cette ville avec ses familles de prêtres liés au pouvoir. Pouvons-nous, ça y est, maintenant parler d'une ville complètement sainte, au sens où nous aurions une ville-temple où tout se régit autour du temple de la religion, ou pas du tout, c'est une grande cité dans cette région? Alors, le rôle de la dynastie hasmonéenne dont Michael Langlois vient de parler, hein, cette famille de prêtres qui vont prendre le pouvoir politique en Judée, d'abord en fait en s'appuyant sur les Séleucides, hein, qui sont l'une des dynasties des successeurs d'Alexandre le Grand en Asie. Donc ils vont devenir, en fait ils vont lutter contre les Séleucides au départ, ensuite ils vont forger une alliance avec certains Séleucides contre d'autres et ils vont en fait devenir les grands prêtres du temple de Jérusalem et de la Judée grâce à l'appui des Séleucides. Et donc ensuite ils vont s'affranchir petit à petit de cette domination séleucide et ils vont effectivement développer non seulement le temple mais leur état de manière générale qui va d'ailleurs devenir à certains égards aussi un petit royaume hellénistique. Et il semble bien qu'à ce moment-là ils imposent un certain nombre d'évolutions religieuses. On voit sur le plan archéologique que se multiplient déjà à ce moment-là les bains rituels dans un certain nombre de sites. Donc l'insistance sur la pureté rituelle semble croître. On observe le développement aussi des infrastructures hydrauliques à Jérusalem avec la construction d'un premier aqueduc reliant les bassins de Salomon du côté de Bethléem à Jérusalem et permettant un approvisionnement en eau pour le service du temple notamment. Et donc on voit toute l'infrastructure autour du temple se développe et peut-être aussi déjà à ce moment-là les Hasmonéens mettent en place la taxe du demi-shekel qui va être versé par tous les hommes d'un certain âge pour le bon fonctionnement du temple. Alors, taxe obligatoire pour ceux qui résident en Judée et taxe volontaire pour ceux qui sont en diaspora. Donc vraiment, le temple devient l'organe central de l'État judéen. Il l'était déjà avant, depuis la disparition de la royauté. Mais disons qu'avec la dynastie hasmonéenne et la relative indépendance politique dont jouit la Judée entre à peu près 141 et 63 avant notre ère, là, il devient vraiment le lieu central, effectivement, de l'État judéen. Et puis ce temple impressionne. Ce temple est regardé, est observé, et pas seulement dans la Bible, dans certains autres documents, notamment la lettre d'Aristée, un texte juif. Nous sommes avant -100, au IIe siècle, avant Jésus-Christ. Le temple a sa façade à l'Orient, son abside à l'Occident. Le sol est entièrement dallé et comporte des pentes dirigées vers les points voulus pour l'arrivée de l'eau destinée au lavage du sang des victimes, car c'est par dizaines de mille qui sont offerts les animaux au jour de fête. L'approvisionnement d'eau est inépuisable à cause d'une source naturelle de gros débit qui jaillit à l'intérieur. Merci Daniel Königsberg de cette lecture dans le cours de l'histoire. Michael Langlois, alors là nous avons le second temple qui est décrit ici dans cette lettre d'Aristée. Ce second temple, que connaissons-nous? Y a-t-on des vestiges? Nous avons souvent cette vision du mur des lamentations. Alors là encore, il y a des discussions gigantesques. Ce mur des lamentations n'est pas vraiment lié au second temple. Que dit l'archéologue? Alors, effectivement, c'est très difficile. Jérusalem, de manière générale, est une ville complexe en termes d'archéologie, puisque elle est bâtie à même la roche, et donc, contrairement à d'autres sites où il y a une sorte d'empilement, une stratigraphie, où on peut comme ça remonter le temps à l'envi, à Jérusalem, assez souvent, une phase en chasse l'autre, et donc, on a une sorte d'entremêlement, les blocs de pierre sont réutilisés, et la ville a été occupée de façon continue jusqu'à aujourd'hui, et donc, effectivement, il est difficile aujourd'hui d'aller sur l'esplanade des mosquées, de dire, excusez-nous, on aimerait fouiller en dessous, voir ce qui se passe. Donc, évidemment, c'est très difficile. Alors, il y a le mur occidental dont vous parliez, le mur des lamentations, dont on a d'énormes blocs de soutènement qui sont visibles un peu en sous-sol et qui datent là plutôt de l'époque du roi Hérode. Donc, c'est la fin, Hérode le Grand, la fin du premier siècle avant Jésus-Christ. C'est pas tout à fait l'époque hasmonéenne, mais disons qu'effectivement, le roi Hérode le Grand, on l'appelle le Grand précisément parce qu'il a une grande politique de travaux, il va bâtir des forteresses, on connaît Masada par exemple qui est impressionnante, et donc il va aussi bâtir le temple. Alors quand je dis bâtir, souvent il va en fait rebâtir ou avoir une politique d'expansion de ces bâtiments qui existaient déjà, il n'a pas bâti à partir de rien. Et effectivement, c'est là que Hérode, qui lui-même a pour modèle Rome et des temples avec des dimensions gigantesques, va vouloir utiliser les mêmes techniques, les mêmes procédés de fabrication pour avoir un temple absolument gigantesque à Jérusalem. Et de fait, le mur occidental, le mur d'élémentation, c'est pas le mur du temple lui-même. En fait, c'est le mur de l'esplanade, du podium sur lequel sera bâti le temple. Donc vous imaginez les dimensions prodigieuses. Précisons qu'avec Hérode, nous sommes avec un contemporain de Jésus-Christ. Mais Michel Langlois, dans cette histoire, même si aujourd'hui Jérusalem est une ville sainte pour les chrétiens, Jésus, dans cette histoire, passe comme ça sans qu'on s'en rende compte, au sens où, eh bien, au premier siècle, c'est un moment de cette ville-là, mais ça ne change pas le fait que Jérusalem est une ville telle qu'elle est. Oui, bien sûr. Alors, à l'époque où Jésus arrive, Jérusalem est en ébullition. Il y a des grands débats précisément autour de la royauté. On parlait tout à l'heure des Asmonéens. À partir de l'an 104-103 avant Jésus-Christ, les Asmonéens, qui sont des prêtres, commencent à vouloir faire un royaume et prendre le titre de roi. Un de ces Asmonéens va même frapper monnaie et marquer des deux côtés de la pièce de monnaie, en grec et en hébreu, qu'il est roi. Or, dans un certain nombre de courants juifs, la royauté, c'est celle du roi David. Et donc, le roi légitime sur le trône devrait être un descendant du roi David, ce qui n'est pas le cas de ces rois-là. Et donc, au 1er siècle avant Jésus-Christ, on va voir se développer des mouvements contestataires qui vont dire « Le roi en place à Jérusalem est un imposteur, nous attendons un roi qui soit légitime, c'est-à-dire qui soit descendant du roi David. » Et c'est pour ça que quand Jésus arrive, et il n'est pas lui-même n'habite pas à Jérusalem, il habite en Galilée, au nord, il vient de temps en temps à Jérusalem, quand on lit même dans l'évangile, dans la Bible, on voit qu'il vient effectivement périodiquement, et il y a un épisode où il est particulièrement acclamé en disant, voilà, Hosanna, au fils de David. Et donc Jésus est un des candidats, on pourrait dire, à la royauté. Mais pour ce qu'on en sait depuis, d'après les sources extra-bibliques, ça n'a pas fait grand bruit. D'abord, il n'était pas le seul à être un candidat au Messie, on pourrait dire, et la plupart d'entre eux étaient considérés comme des gens qui se révoltaient contre l'Empire romain, les révoltes étaient matées et ça n'allait pas plus loin que ça. Ce qui fait que l'historien Flavius Joseph, qui écrit à la fin du 1er siècle de notre ère, s'attarde très peu sur Jésus. À un moment donné, il s'intéresse au règne d'un grand prêtre. Il signale qu'il a maté un mouvement qui a à sa tête un certain Jacques, le frère de Jésus. Donc il mentionne comme ça, en passant, Jésus. Donc vous voyez, on a une ou deux mentions, même à la limite un peu incertaines, parce que c'est dans des manuscrits médiévaux copiés par des chrétiens. Donc, effectivement, le passage de Jésus, comme vous le disiez, passe relativement assez inaperçu. Michel Langlois, vous venez de citer l'historien juif et romain Flavius Joseph. Ça tombe bien, il est avec nous dans le cours de l'histoire. En fait, non, c'est Daniel Königsberg. Rien de plus fort et de plus terrifiant ne pouvait être imaginé que la clameur qui s'élevait. Il y avait le cri de guerre des légions romaines réunies, les hurlements des rebelles encerclés par la flamme et le fer. La ruée du peuple qui se trouvait coupé dans la partie supérieure et qui, dans son épouvante, allait se jeter sur les ennemis en poussant des gémissements quand arrivait l'issue fatale. On aurait pu croire que la colline du temple était en ébullition depuis sa base, couverte de flammes, comme elle se trouvait de tous côtés, mais que le sang était encore plus abondant que les flammes et les tués plus nombreux que ceux qui tuaient. À aucun endroit, en effet, la terre n'apparaissait entre les cadavres, et les soldats, pour poursuivre les fuyards, devaient escalader des monceaux de corps. La guerre des Juifs de Flavius Joseph. Avec ce texte, nous sommes au 1er siècle de notre ère. Qu'a-t-elle Berthelot ? Là, nous arrivons dans un monde que vous connaissez particulièrement bien, même si vous connaissez bien toute cette antiquité juive. Vous avez participé à l'histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, l'ouvrage dirigé par Pierre Savy. Et vous avez vraiment expliqué toute cette antiquité juive. Et puis, particulièrement travaillé sur la période hellénistique, donc après Alexandre et Romaine. Vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS. Jérusalem, au 1er siècle, du temps de Jésus, est déjà une ville sainte pour les Juifs, telle que nous l'imaginons aujourd'hui? Ah oui, alors là, absolument. Jérusalem, au 1er siècle, est vraiment une ville sainte dans laquelle on se rend en pèlerinage. C'est vraiment l'époque où on a des témoignages nombreux sur le pèlerinage de Juifs de tout le pourtour méditerranéen et même de Mésopotamie. à Jérusalem. Donc, il y a des Juifs aussi qui viennent mourir à Jérusalem déjà à cette époque-là. On a peu parlé des cimetières, mais c'est une ville aussi où les cimetières jouent un grand rôle, Jérusalem. Et on a des tombes monumentales d'époque hellénistique dans la vallée du Cédron, qui concerne évidemment l'aristocratie, mais aussi donc vraiment cette pratique quoi, de se faire inhumer, comme par exemple la reine d'Adiabène, qui s'était convertie au judaïsme, qui a voulu se faire inhumer à Jérusalem. Donc c'est une ville sainte à bien des égards, hein, non seulement de par la présence du temple, du culte sacrificiel, mais aussi de ses pratiques de pèlerinage, de ses pratiques d'inhumation. Et c'est une ville qui est donc où la pureté rituelle doit être observée avec une rigueur particulière. On a retrouvé énormément de bains rituels, y compris justement des installations pour les pèlerins, pour que des gens puissent s'immerger rituellement, même en cas de grande affluence, hein. Donc autour du temple, au sud du temple notamment, on a retrouvé ces bassins, ces installations. On a retrouvé aussi une inscription en grec, dite inscription de Théodotos, qui parle d'une synagogue à Jérusalem au début du 1er siècle de notre ère, qui visiblement était destinée à accueillir aussi des voyageurs, des pèlerins. Il y avait une auberge, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une synagogue comme on l'imagine aujourd'hui pour l'étude de la Torah, mais également une auberge, un lieu de repos et là encore des bains. Donc on voit que Jérusalem est organisée en grande partie autour de cette activité cultuelle, à la fois quotidienne et puis, disons, autour des grandes fêtes annuelles comme Pâques. Mais ce second temple est détruit lui aussi. Et ce second temple, effectivement, sera détruit par les Romains. Flavius Josèphe fait de son mieux pour nous convaincre que Titus ne voulait pas détruire le temple, qu'il considérait comme d'abord un bâtiment extraordinaire, et puis ensuite, par piété, il ne voulait pas détruire le temple, et que donc il s'y est résolu, forcé par l'extrémisme des rebelles, qui ont résisté jusqu'au bout. Mais en réalité, il est probable que les Romains voulaient détruire le temple puisque Vespasien, le père de Titus, devenu empereur en 69, va exiger la destruction d'un autre temple juif situé, lui, à Léontopolis en Égypte. Et oui, jusqu'en 73 de notre ère, il y avait un autre temple juif encore en activité, alors qu'il ne sera pas véritablement détruit, nous dit Joseph, mais fermé, vidé de tout son mobilier et fermé. Et ce qui signifie quand même assez clairement que Vespasien ne souhaitait pas que le culte juif puisse perdurer dans l'Empire. Mais d'un autre côté, il va quand même autoriser les Juifs à continuer à pratiquer leur mode de vie traditionnel. Il n'y aura pas de persécution des Juifs, mais par contre, il n'y aura plus de temple aux dieux des Juifs dans l'Empire romain. Oui, parce que le monothéisme n'est pas très compatible avec le culte impérial. Et au moment de vénérer l'empereur, c'est pas bien de dire « je ne vénère qu'un seul dieu ». C'est cette longue histoire millénaire d'une ville sainte. Yerushalayim, Jérusalem, Al-Quds. Trois noms pour une ville trois fois sainte, capitale de David, cité du Christ, au lieu de l'islam après la Mecque et Médine. Ici, les chrétiens de toute confession ont bâti leurs églises sur les pas de Jésus et jalonné les étapes de sa montée au calvaire. Pour commémorer le pèlerinage de Mahomet, les musulmans, au 7e siècle, ont construit la mosquée d'Omar sur les ruines du temple de Salomon, élevé par les Hébreux il y a près de 3000 ans. C'est au pied de cette mosquée que les Juifs, aujourd'hui, viennent prier contre le mur des Lamentations, vestige de leur second temple détruit par les Romains et symbole de leur exil. C'est en 1982 que la première chaîne de télévision française s'intéressait aux fouilles archéologiques en Israël. Michael Langlois, nous l'avons entendu dans cet extrait, Jérusalem, ville sainte pour les trois religions monothéistes. Alors nous réfléchissons aujourd'hui dans le cours de l'histoire à la naissance. C'est vrai que l'islam s'inscrit dans une continuité où Jérusalem est déjà une ville sainte, comme Mahomet a la vision de son passage à Jérusalem. Mais est-ce que cette sainteté de Jérusalem n'est pas le plus gros handicap pour essayer de comprendre le fait qu'elle soit sainte, au sens où c'est tellement difficile de fouiller, il y a tellement d'histoires écrites autour de cette histoire. Oui, bien sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les traditions se développent toujours a posteriori. C'est-à-dire que Jérusalem devient une ville sainte, souvent, à partir du moment où précisément elle échappe au contrôle. Après la destruction du premier temple, à l'époque perse, on citait tout à l'heure ce psaume sur les rives du fleuve de Babylone où nous étions assis et nous pleurions. À partir du moment où on est privé de quelque chose, vous savez, c'est souvent comme ça dans la vie, quand on est privé de quelque chose, on dit « Ah, quand même, c'était bien !» Et donc, c'est au moment où Jérusalem, après la destruction du premier temple et après la destruction du second temple, c'est aussi à ce moment-là que toute l'attention se focalise sur Jérusalem et qu'on va renforcer la vision qu'on a et cette sainteté de Jérusalem. Et donc, bien sûr, on va greffer sur Jérusalem un maximum de traditions. On parlait tout à l'heure des reliques, mais il y a aussi les traditions liées au patriarche. Et le patriarche Abraham, bien sûr, on va dire, mais en fait, lui-même, déjà, Abraham était à Jérusalem. Et donc, dans la tradition biblique, certains noms de lieux, certains toponymes vont être associés à Jérusalem, à telle ou telle colline de Jérusalem. Or, Abraham, c'est effectivement le patriarche par excellence du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Ces trois grandes religions qu'on dit monothéistes se focalisent toutes sur le personnage d'Abraham. Et de la même manière, vous parliez du prophète Mahomet, effectivement, dans une tradition, on nous explique qu'il fait un grand voyage nocturne dans une mosquée qui est très éloignée, à Al-Aqsa, en arabe. Eh bien, là, on se dit, mais où est cette mosquée très éloignée? Le texte ne le dit pas. La tradition va dire, eh bien, bien sûr, c'est Jérusalem. Et c'est pour ça qu'on a la fameuse mosquée de l'Al-Aqsa et le dôme du rocher à Jérusalem aujourd'hui. C'est de cette façon qu'on vient, enrichir Jérusalem de toutes ces traditions qui permettent à ces trois grandes religions de vouloir évidemment converger, s'y rendre. Ça se passe pas toujours très très bien, effectivement. Nous avons fait un voyage pendant des millénaires pour essayer de comprendre comment une petite bourgade sur un site bon pas très très très agréable s'il y avait une fontaine, une source est devenue une si grande ville sainte. Qu'a-t-elle Berthelot? Il y a de ça dans l'histoire de Jérusalem. Pour essayer de comprendre ce qu'elle est devenue, nous l'avons fait aujourd'hui dans le cours de l'histoire, il faut jouer sur le temps long car ce sont des éléments, petit à petit ce n'est pas une ville sainte créée d'un claquement de doigts. Non, tout à fait, c'est une longue histoire. Et en plus, c'est une histoire très paradoxale parce que, avec la destruction du Second Temple en 70 et surtout la transformation de Jérusalem en colonie romaine, probablement vers l'an 130 sous l'empereur Adrien, qui va donner lieu d'ailleurs encore à une dernière révolte juive contre Rome, la révolte dite de Bar Corba, eh bien, on voit cette ville juive, cette ville sainte être effacée par une cité romaine. Et ça, c'est un phénomène assez unique. Mais ce qui est encore plus unique, c'est le fait qu'elle va renaître de ses cendres et que finalement, cet effacement romain ne va pas durer. D'abord parce qu'il va donner lieu à la ville chrétienne, qui va être à la fois juive et romaine, on peut le dire. Et puis ensuite à la ville musulmane. Et puis finalement, à une rejudaïsation de la ville au XXe siècle, au XXe et au XXIe siècle. Oui, voilà, il faut attendre le XXe siècle pour renouer avec cette histoire. Merci vivement à tous les deux, Qu'a-t-elle Berthelot, Michel Langlois, de nous avoir fait voyager dans le temps et de manière aussi lointaine, et surtout à travers toutes ces sources, qu'elles soient bibliques, ce sont des sources évidemment, mais archéologiques aussi. C'était passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Il est temps dans le cours de l'histoire de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Comment peut-on faire l'histoire des Francs? Depuis le début du XIXe siècle, la recherche historique sur les Mérovingiens a été marquée par deux problèmes liés l'un à l'autre. D'une part, elle souffre d'une pénurie de sources écrites par rapport aux périodes antérieures, la civilisation romaine, et postérieures, la Renaissance carolingienne. D'autre part, plus que tout autre, l'époque mérovingienne a été prise dans les passions politiques car elle est considérée comme le moment de naissance des États modernes en Europe. Dans son livre « Sur les historiens et la question franque », Agnès Graceffa a comparé minutieusement la façon dont les universitaires français et allemands avaient étudié cette période depuis 1815, date du congrès de Vienne qui a mis fin à l'Empire napoléonien, et 1996, commémoration du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Elle montre comment la recherche historique a progressé au niveau des sources, des méthodes, mais aussi combien elle a été affectée par l'évolution des contextes politiques. Dans son étude, elle distingue quatre périodes. La première s'étend du début du 19e siècle jusque dans les années 1860. C'est à ce moment-là que l'histoire est devenue une discipline universitaire. Les historiens, qui étaient pour la plupart de farouches défenseurs du principe des nationalités, raisonnaient alors comme si le nom des peuples fixait leur identité. Du côté français, c'est Jules Michelet qui a incarné au plus haut point cette conception de l'histoire en affirmant « la France est une personne ». Dans cette perspective, la période mérovingienne était perçue comme une date de naissance pour les nations françaises et allemandes. À partir des années 1870, la recherche historique s'est développée en intégrant de nouvelles perspectives territoriales, économiques, sociales, mais dans un contexte politique marqué par les rivalités exacerbées entre la France et l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, le développement des sciences sociales et l'intégration européenne vont permettre de renouveler profondément les approches. Grâce à l'étude minutieuse des phénomènes migratoires et des transferts culturels, les mythologies nationales qui avaient dominé jusque-là l'historiographie des Mérovingiens ont été enfin dépassées. Dans le même temps, des progrès considérables ont été accomplis sur le plan méthodologique, en accordant une véritable place aux sources iconographiques et archéologiques. L'un des acquis les plus importants de ce renouveau de la recherche historique tient à la façon d'envisager le peuple. On comprend mieux aujourd'hui qu'à l'époque mérovingienne, ce terme n'avait pas la signification que nous lui donnons aujourd'hui quand nous parlons du peuple français. Il désignait des groupes ethniques, dans un sens très proche du mot « tribu » que les puissances coloniales ont utilisé à l'époque contemporaine pour discréditer les Africains. Dans les chroniques historiques rédigées par les clercs du haut Moyen-Âge, l'identité des groupes sociaux était confondue avec celle de leurs chefs. Les historiens qui ont utilisé sans précaution le terme « peuple » pour nommer les tribus franques du haut Moyen-Âge n'ont fait qu'entériner finalement le regard des clercs issus de l'aristocratie franque qui monopolisait la culture écrite. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André avec aujourd'hui à la technique Jérémy Kaufmann. Merci aussi aux équipes de France Bleu Béarn. Cette émission est préparée par Marion Dupont, Toscane Vudet, Jeanne Delecroix, Valentine Robrins, Pauline Maragou et merci aussi à Daniel Königsberg. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.